Aristote, Irène Joliot-Curie, Jules César, Norbert Zongo, Chef Pontiac, Sabia Goksen, Platon, Alexandre Souvorov, Anne Frank, Jacha Radeau, Charles de Gaulle, Napoléon Bonaparte, Pacha Coutec, Razia Aldin, Nelson Mandela, Elisabeth II, Antonio Lopez de Santa Anna, Indira Gandhi, Joseph Staline, Winston Churchill, Joaquin Marquez Lisboa, Marie Curie, Benjamin Franklin, Karl Marx, Anne Boleyn, George Washington, Kamehameha, Jeanne d'Arc, Abraham Lincoln, Karl von Clausewitz, Angelica, Nicolas Machiavel. L'instant biographie de Léviathan. Partons à la découverte de grands personnages. Joaquin Marx Lisboa. J'ai décidé de vous parler d'un homme militaire brésilien puisque le Brésil reste, en général, peu connu vis-à-vis de son histoire et de ses grandes figures. Il est considéré au Brésil comme un héros national et a participé à de nombreuses guerres et batailles internes à son pays, dont celle de l'indépendance du Brésil qui a finalement eu lieu en 1822. En effet, à 14 ans, Joaquim Marx Lisboa s'est porté volontaire dans la marine. En 1823, à 15 ans, il a été accepté en tant que volontaire au bord du navire Niterói, qui a eu une grande importance dans les guerres d'indépendance. En effet, après la proclamation de l'indépendance du Brésil, certaines provinces du pays se sont maintenues fidèles à la couronne portugaise. Plusieurs navires ont donc été envoyés dans ces provinces pour battre les opposants et les intégrer à l'Empire brésilien, Joaquim Marx Lisboa ayant fait partie de ces excursions. En 1824, après avoir été matriculé de la Marine nationale brésilienne, Marx Lisboa eut son premier commandement de soldats qui devait désarmer les mercenaires de la région de Pernambuco et les battre. Ceux-ci voulaient se rebeller, proclamer la République et créer la Confédération de l'Équateur. Joaquim Marx Lisboa n'était pas censé avoir son propre commandement. C'est en réalité grâce à son capitaine qu'il suivait depuis qu'il s'est porté volontaire, qui est allé convaincre l'empereur lui-même de la valeur de Joaquim Marx Lisboa. Au fur et à mesure, il a fini par être commandant du navire Constance en 1826 à 18 ans. Il a réussi un tel exploit grâce à tous ses accomplissements pendant la guerre de Cisplatine qui a débuté en 1825. Comme son nom l'indique, cette guerre concerne la province de Cisplatine, qui correspond à l'actuel état de l'Uruguay ainsi qu'une partie de l'état Rio Grande do Sul au Brésil. Pour faire simple, les Portugais avaient annexé la province au Brésil en 1816 pour sa position stratégique auprès du Rio de la Plata. Lorsque le Brésil a déclaré son indépendance, les provinces unies du Rio de la Plata, qui correspondent aujourd'hui à l'Argentine, mais aussi à l'Uruguay et à une partie de la Bolivie, ont convaincu les populations de la province de Cisplatine à se soulever contre le pouvoir brésilien et à demander leur indépendance. Cette guerre a duré jusqu'en 1828 et a été résolue par l'intermédiaire des Britanniques. Finalement, c'est ainsi que l'Uruguay est né. En 1840, Marx Lisboa est devenu capitaine de frégate et à peine 7 ans plus tard, capitaine de vaisseau, appelé en portugais capitaine de mer et de guerre. C'est lui qui a commandé bien plus tard l'intervention brésilienne dans la guerre civile en Uruguay entre 1864 et 1865, qui était de l'intérêt pour le Brésil à cause des 40 000 Brésiliens qui y vivaient. Il a dans ce cadre eu plutôt un rôle diplomatique en défendant les positions brésiliennes auprès du gouvernement de l'Uruguay. Cela a été directement suivi par les guerres du Paraguay, ça en était d'ailleurs l'une des causes, et le Brésil a signé une alliance avec l'Argentine et l'Uruguay, le traité de la Triple Alliance, dans la guerre contre le Paraguay, dans laquelle Marx Lisboa, depuis devenu amiral, a eu une fois de plus une place extrêmement importante, étant commandant des forces navales brésiliennes dans le cadre des opérations de guerre contre le Paraguay. Il faut aussi tenir en compte que la marine brésilienne était prépondérante dans les opérations navales, comptant pour la quasi-totalité des forces. Cette guerre a duré jusqu'en 1870, mais l'amiral Marx Lisboa n'aura apporté sa participation que jusqu'en 1866, date à laquelle il a demandé de se retirer du poste pour des questions de santé. À ce moment-là, il faut savoir que l'amiral avait presque 60 ans. Il ne s'est pourtant pas arrêté, ayant pris sa retraite qu'en 1890, une fois qu'il a atteint l'âge limite pour prendre sa retraite, et il avait donc 83 ans à ce moment-là. Ces dernières années, d'ailleurs, ont été compliquées politiquement pour lui, puisque la proclamation de la République a eu lieu en 1889, et il restait fidèle à la monarchie, lui. Mais ça ne l'a pourtant pas empêché d'être nommé ministre du Tribunal militaire suprême en 1893, poste qu'il a assuré jusqu'à sa mort 4 ans plus tard, quand il avait 90 ans. Il est considéré comme patron de la marine brésilienne, surnommé Amiral Tamandaré, dû à une des campagnes militaires dans la région de ce même nom.